Ma vie, c'est la musique et je dis merci. C'était notre chanson. Merci pour ces airs fantastiques. Rien qu'un jour sans musique, les deux oreilles à l'abri, tout devient gris. Qu'est-ce qu'on devient sans jolie mélodie? Car tu sais, ma vie c'est la musique, et c'est tout ce que je suis. Tu es la fille de Donna? Oui. Maman m'a dit que mes premiers pas, je les ai dansés. C'est tout ce que je suis.